Allora, come up! Get up, sit back down. I'm just fucking sick. I'm just sitting over here talking all kind of bull crap on this soul motherfucking remix. Remix they motherfucking asses off, Chris. Show these kids what it's all about. Show them why you are the queen. Funk these kids right the fuck up. Yeah, boy, funk them up, up, up. Yeah, Chris, funk them right on up. Chris, I'm gonna funk you up. And you funk them right on up. I'm gonna funk them up. Keep that funk right on up. That funk them right on up. So get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, sit right down. Right on up, we gonna funk you right on up. Thank you. Okay. Qu'est-ce que vous voulez? Hachiche? Hachiche? Ok. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Hachiche? Wakam? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Hachiche? Vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Wakam? Suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Hachiche? Hachiche? Un client? Il vient de la part d'Astan. Il voudrait fumer leur cœur. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Hachiche? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Hachiche? Thank you. Fuck that.